quand deux oiseaux se battront sous ta fenêtre et que leurs cris aigus te sortiront du lit. Ne cherche ni le piège ni le mal qui les agite ainsi. Regarde dans la rue, le printemps est venu. Et si tu as aimé, tu t'attarderas ce matin-là. Le ruisseau qui zigzague et qui court pendant des milles, fouillant tous les bosquets jusqu'au fin fond des champs, cherche la source froide qui l'appelle derrière les bouleaux blancs. Et tous deux réunis, confondus, se taisant, iront mourir d'amour dans la mer. Quand tu dis que tu m'aimes et que tu danses au village avec tous les garçons en cheveux bouclés, tu mens effrontément et demain, moi, je m'en irai plus loin que ce pays, plus loin que les nuages, et j'enverrai la mort te tuer, cher visage. Regarde dans la rue, le printemps est venu. Et si tu as aimé, tu t'attarderas. Ce matin-là.